Les ondes positives sur Fadjet avec Samantha. Bonjour et bienvenue dans cette 16e chronique des ondes positives, une émission qui explore l'histoire, la science et le langage pour mieux comprendre comment nous fonctionnons et apprendre à développer nos capacités et nos ressources. Je suis Samantha Dube, sophrologue et praticienne en hypnose et je vous propose aujourd'hui d'explorer l'une des figures fondatrices de l'existence, la mère. Fadjet, les ondes positives. On aime sa mère presque sans le savoir, et on ne s'aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu'au moment de la séparation dernière. C'est ainsi que Guy de Maupassant nous rappelle à nos réalités face à celle qui a été le berceau de nos premiers instants. La mère, écoutons la mélodie qui s'extrait de ce mot et laissons-nous bercer quelques instants par les vagues des souvenirs. La langue des oiseaux, utilisée jadis par les alchimistes, nous révèle toutes les dimensions que peut revêtir ce mot. La mère, M-E-R, qui, épousant la terre, incarne notre environnement, la maison de l'humanité. La mère, M-E-R-E, celle qui donne la vie, porte l'enfant et le nourrit, et pour finir, la mère, A-M-E-R, ce mot qui vient du latin et qui signifie aigre, désagréable, pénible. N'est-ce pas une dimension inhérente au rôle de mère que d'éprouver la douleur de la chair et de l'esprit? Enfin, la mère, l'amour, la mort, ces trois mots sont bien trop proches phonétiquement pour ne pas citer le lien fort qui unit cette trinité divine. D'ailleurs, n'est-ce pas un célèbre proverbe juif qui disait « Dieu ne pouvait être partout, alors il créa la mère ». Justement, arrêtons-nous un instant et prêtons une oreille attentive à l'écho de la voix d'un magicien des mots. Cette voix, c'est celle du poète français Christian Bobin. Une mère ne représente rien en face de son enfant. Elle n'est pas en face de lui, mais autour, dedans, dehors, partout. Elle tient l'enfant levé au bout des bras et elle le présente à la vie éternelle. La beauté des mères dépasse infiniment la gloire de la nature. Le visage d'une mère est pour l'enfant son premier livre d'images. Les mères, par leurs soins élémentaires, fleurissent les abîmes. S'il y a encore des lions, des étoiles et des saints, c'est parce qu'une femme épuisée pose un plat sur la table à midi. Les hommes tiennent le monde, les mères tiennent l'éternel qui tient le monde et les hommes. Les mères n'ont pas de rang, pas de place, elles naissent en même temps que leurs enfants. Les mères se laissent quitter par leurs enfants et l'absence vient qui les dévore. On dirait une loi, une fatalité. L'ingratitude est le signe d'une éducation menée à son terme, achevée, parfaite en sa démence. Les neurosciences l'ont démontré, le lien entre la mère et son enfant, dès la conception de celui-ci, ont des impacts considérables sur l'évolution neuronale du bébé. La théorie de l'attachement, élaborée par Bowlby et ses successeurs, étudie notamment la genèse du lien fondamental entre le bébé et sa mère biologique, ou celle qui l'a élevé. Plusieurs maladies et troubles neurologiques ont été identifiés comme résultant d'un déficit d'ocytocine, aussi appelé l'hormone de l'attachement. Aussi, mère de chair et de sang, ou mère d'esprit et de cœur, il importe peu. Être mère pour un enfant, c'est devenir le réceptacle de la magie de la vie pour lui, et tandis qu'il poursuit sa découverte du monde, la mère l'attend et mélange consciencieusement le bouillon des mystères et des secrets, dont elle aura, autant qu'elle l'aura pu, retiré le trop âpre et le trop amer. Écoutons deux conquérants le dire également. L'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère. Napoléon Bonaparte. Tout ce que je suis ou espère, je le dois à mon ange mère. Abraham Lincoln. À travers les siècles, les hommes et les femmes qui nous ont précédés ont écrit l'histoire de l'humanité. Nos ancêtres avant nous se sont interrogés sur la meilleure manière de considérer la mère. Laissez-moi vous raconter. Les ondes positives sur Fadjet. Un petit voyage dans le temps et l'espace s'impose. Direction le pays des mille et une nuits. Hassan aimait tendrement sa mère et passionnément Leïla, sa femme. Mais Leïla n'aimait pas la mère d'Hassan, dont elle était terriblement jalouse. Sans cesse, elle torturait son mari avec ses exigences. « Si tu m'aimais vraiment, tu ne tolérerais pas qu'une autre femme me dicte sa loi sous notre propre toit. » Et Hassan chassa sa mère de la maison. « Si tu m'aimais vraiment, tu n'irais plus voir cette femme qui médite de moi en secret. » Et malgré sa peine, Hassan ne rendit plus visite à sa propre mère. Mais la jalousie de Leïla était sans borne. Un jour, elle exigea d'Hassan la plus cruelle des épreuves. « Si tu m'aimais vraiment, tu irais tuer cette femme qui me torture jour et nuit, et tu me rapporterais son cœur. » Hassan prit son couteau. Il alla voir sa mère et lui arracha le cœur. Mais tandis qu'il rapportait en pleurant son trophée à sa bien-aimée, il trébucha sur un caillou du chemin et le cœur tomba sur le sol. Alors, du morceau de chair sali par la poussière, sortit une petite voix qui lui demanda « Hassan, mon fils, tu ne t'es point fait mal. » N'est-ce pas Jean Gastaldi qui disait « Une mère, c'est une montagne de compréhension. » Laissons le mot de la fin à Edgar Allan Poe. « J'entends au-dessus de moi, dans les cieux, les anges qui chantent entre eux. Ils ne peuvent trouver de mots d'amour plus grand que celui-ci, maman. » Alors, petit exercice. Fermez les yeux et visualisez un cercle. Peignez-le de la plus belle des couleurs. À l'intérieur, créez l'environnement le plus doux et le plus chaleureux possible. Des plumes, du coton, de la soie. Construisez votre cocon de douceur. Venez vous lever à l'intérieur de ce cocon. Sentez toute la protection et la chaleur qu'il vous offre comme l'ultime refuge qui vous accueillera toujours. Celui qui guérit en même temps vos peines, vos blessures et vos douleurs. Ici, tout se dépose. Les peurs, les angoisses, les incertitudes. Continuez à prolonger votre bien-être en vous enveloppant d'une couverture d'amour et de bons soins. À l'intérieur de vous, laissez naître cette joie pure et simple qui vous apaise et vous réjouit à la fois. Une image maintenant apparaît, reliée à cette émotion. Cette image, c'est le visage d'un de vos proches. Tranquillement, rouvrez les yeux et apportez cette joie en cadeau à celle ou celui qui vous est apparu. Voilà, maintenant que nous avons appris le rôle de la mère, il ne nous reste plus qu'à agir. Enfin, peut-être que pour cela nous faudra-t-il apprendre à découvrir la beauté du monde. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. Une très belle fête à toutes les mamans. Bonne fête, maman, je t'aime. On se retrouve très vite et en attendant, continuez de propager vos ondes positives.